Elengi ya libele ya mama botanga il est qui va rester nyon soya ba cordon bleu ganalia atama futa tomati ezala kite kasi yango ele kaki mosoni nalangi banda yo kenda peti esilanga na koma kolia kaka pona se pelisa moloko ye Aya ma maison capilette pe minerval cassier l'équipe à laisson pas maître ma professeur ma pesanga mama sokyo zala kaka na bomoi belle na sengi patayo ministre d'éducation belle papa ke ba prisonnier so bakanga belle kutu mutu ma be azaliteur Emelelo na kanisi ya mingi mama Bonjour anniversaire na ngae komi pene Benvite bakoli ya bakome la masangara Yokutu artisan na ngoyo zalite Epa yo zalisa kyo kutani na okasyon e Tinde langa karto de ve ata fololo Esengo na nga eko zala multiplie fois deux Normale ma fête ya lelo ezali ayo Serment d'Hippocrate ba medese ba posalaka Yanga serma yo zala toujours mamananga Ata ba bandeli mokili sokimbala zomi Yanga serma yo zala toujours mamananga